par les frères du passé, Malcolm X, Lumumba et Kruma, Angela et le roi Akhenaton, Luther King, Farrakhan, Cheikh Anta, Mandela, Césaire et France Fanon. Soumission par la foi des curés, Neymar ont toujours enquêté, liberté seulement sur le papier, et je dis pas ni égalité. 3 minutes encore pour te parler de tout ce que je ne veux oublier. Les nouveaux leaders de la pensée ont les mots plus tranchants que l'épée. Loupé.